Thai Shaolin Sound System, Selector Lorius. Hey, l'homme de Big Wise daddy, you know. Boom da dem boy, boom da dem. C'est l'homme de Big Wise daddy, encore combat à Kagen for the Mindo. Boom da dem boy, boom da dem. Je prends le microphone et maintenant je dégaine for the Mindo. Boom da dem boy, boom da dem. C'est l'homme de Big Wise daddy, encore combat à Kagen for the Mindo. Boom da dem boy, boom da dem. Sans moi je t'entends même pas, regarde je te vois même pas. Appelle même tous tes gars, tu vas marcher au roi. Car pour toi sans le glas, lors de la guérilla. Tu es un réel sniper, un lyrical. Manamada, manamada. Dans les dance halls, les bad boys disent oh. On va killer 2-3 soundboy en ego. Si t'as pas de rix mon ami, ouais pour toi c'est chaud. T'aurais pas dû tester ni même venir si tôt. T'as pas lu la bande pour cap le bon écrito. J'ai l'instinct sauvage parmi les animaux. Mon cinéma à moi c'est pas le monde de Nemo. Au micro c'est vrai que je marche pas mes mots. Boom, boom da dem boy, boom da dem. C'est l'homme de Big Wild Daddy, encore combat back again for the Mino. Boom da dem boy, boom da dem. Je prends le microphone et maintenant je dégaine for the Mino. Boom da dem boy, boom da dem. C'est l'homme de Big Wild Daddy, encore combat back again for the Mino. Boom da dem boy, boom da dem. Meurtrier, mais il est bien meurtrier. Le hotline Shaolin, tu peux pas tester. Non, meurtrier, mais il est bien meurtrier. Le quartier West revient maintenant, mon ami, pour militer, ça fait. Meurtrier, mais il est bien meurtrier. Lorius, tu peux pas tester. Non, meurtrier, mais il est bien meurtrier. Murda, hey, il est murda. Lorius, il est murda. Hotline Shaolin, il est murda. Il est murda, il est murda. Boom da dem boy, boom da dem. C'est l'homme de Big Wild Daddy, encore combat back again for the Mino. Boom da dem boy, boom da dem. Je prends le microphone et maintenant je dégaine for the Mino. Boom da dem boy, boom da dem. C'est l'homme de Big Wild Daddy, encore.